Quand j'aurai pris ma place sur le bateau, celui qui franchira l'Atlantique, quand j'aurai vu le pont de San Francisco, je serai chez toi en Amérique. Là-bas, tout chercher. Tu me donnes bien mieux que personne envie de t'aimer, de te prendre et de ne plus te rendre à tes parents, t'enlever, te donner le désir de ne plus me quitter. Le temps fasse qu'une autre te remplace et m'éloigne de toi. La distance te fait perdre confiance. As-tu déjà oublié que je t'aime et que je viendrai?